L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme dans son courage. Il me dirige dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, dans la clarté, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es à mes côtés, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu conduis mes pas au milieu des ténèbres, et ta présence rend ma route sûre. Tu graisses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe déborde ta lumière. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Dans ton pays, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au milieu des ténèbres, et ta présence rend ma route sûre. Je ne manquerai de rien sous ton regard d'amour.